À chaque communauté, sa culture. Les padres, les rigolos. Claudicia. Robert Braza. Max Alain Gradel. Motema mapena Congo et comme le cola métier. Je suis à Banina Missou et comme à Nocolo Bato. Alinaga a contre Bamasta na yo yo bakola na pasi. Kipe ayo ya yo. Magali Woma, Chinadege Ntoubiana. Les matchs international. Chicha, Chicha, Matoko Mabe, Chicha, Chicha, Aïssa Tiam, Fatou, Abemiwe, Belisa, Gaïta Laza, le prince de Balthazar, Abemiwe, Belisa, Belisa, DJ Merco, Yekia Badou, Cédric Nyakovic, Kélor Katen, les clés de la ville. Joël Salami, Phil Montagnard, Messi Mboukoula Sauce, Vital Kamer et les pacificateurs. Banomé au député la tonga, Betty Simona Cartier. Bozala Kanampiaka, Okoma Namongo, Okoma Lofounou. Allez, Bikayo, Bikayo, Bikayo. Bona Mayele, Nayo Moko, Ingana Bonde, Nayo. Allez, Tala Matala Tou. Allez, Kissing, Kissing Minima. Abemi we Belisa Abbe Maré Michel Moula entrepreneur Karine Kaya femme d'affaires Charlie Lafarge à l'école de sa génération Bouta Brown Ngemewa Mon premier Toutou la luchi wa wa wa wa Manalisa ma Togana mouna mungo bongo bongo bongo bongo bongo bongo bongo bongo bongo bongo bongo bongo. Ce n'est pas bon. Moi je suis l'ancien combattant. Je fais la guerre monde oh. Dans la guerre monde il n'y a pas de pitié mon ami. Makele pa. Ancien combattant Kunda Sukili. Makele pa. Ancien combattant Kunda Sukili. Didana Didana. Ne malemba nyao ha yoga guruchu nyao ma hatu gelo moto nyao Mate.